comme un fan, toujours à mes côtés. Chienne, tu profanes, t'as bien génie, t'es condamné à moi, c'est pour les choses que tu fais. Rien à foutre, je suis en train de m'éclater. Allez, bats-toi, ça n'a pas une femme respectée. J'ai monté, capote, ton sexe peut parler. Y'a des chiens qui chipotent pas sur une bonne de chier. Tout sonne mon chemin, je parle au DJ. Jusqu'au petit matin, mais dis pas de Fongji. Fais pas ta putain avec des Wu-Tang pourri. Mais nous, du vrai, c'est de la nostalgie. Peut-être trop tôt pour comprendre ce que je dis. Toi, tu faisais d'autres, donc j'ai essayé les paris. C'est pas au Babylon que toi t'es parti. Bien avant Globo, tu connais cette dynastie. C'était chaud avant 88. Rien contre les soldats, dimanche après-midi. Je fais monter vos totales et si je te dis plus, gâtez le niveau comparé à aujourd'hui. Je pense que je dis, ou tu penses à lui, non, c'est qu'un jour tu t'as fait qu'il me faut t'inquiéter, c'est juste un mensonge.